Chapitre 10e. Victor Hibert avait été peut-être, de toute la famille, celui que la mort du vieux Ducret avait affecté le plus profondément. Il venait de le voir depuis si peu de temps. Ce moribond, un moment, avait incarné son espoir. Et puis, Hibert ne connaissait ni les sévérités d'homme d'affaires de Guillemard, ni les ironies du cousin Louis. Devant la mort, il se taisait respectueusement. Il éprouva même un sentiment bizarre de malaise lorsque Geneviève lui dit, le soir de l'enterrement, « Si pourtant nous héritions, nous... » Il ne voulait pas y songer. Il commençait à trouver que les espoirs de sa vie devenaient de la fumée trop vite. À quoi bon rêver l'improbable ?« Mais il n'y a rien de moins improbable que cela, » disait Geneviève. Et au soupir d'angoisse qu'elle poussait, Hibert devinait combien elle souffrait, la jeune femme, dans la médiocrité de sa vie. Elle parlait si souvent de Guillemard, du luxe, de la fortune, de la belle humeur de Guillemard, que Victor, qui n'était cependant point jaloux, éprouvait contre Émile une sorte de rancune vague de négociants malchanceux et de maris inquiets. Le cousin était si gai, si triomphant, étalant son contentement, la joie débordante de ses succès lorsqu'il se trouvait avec Geneviève. « Il n'est pas généreux, » songeait Hibert. L'engrenage des affaires de succession avait d'ailleurs saisi, emporté le négociant, et le lendemain des funérailles de l'oncle Ducret, à Saint-Louis-d'Antin, Guillemard et Hibert, après avoir suivi le deuil, assistaient à l'apposition des scellés dans ce logis vidé par la mort. On ne trouvait pas de testament. Mademoiselle Brunet, la confidente de l'oncle Sylvain, n'en connaissait pas. Elle semblait même fort inquiète, se demandant si, dans le partage, elle n'aurait rien, et si monsieur l'avait oublié. Elle savait que monsieur avait griffonné plusieurs fois, en ces dernières années, des tas de choses sur des papiers qu'il cachetait, qu'il serrait, puis il avait brûlé, tour à tour, presque toutes ses paperasses. Des lubies, des idées à lui. En fin de compte, il n'avait peut-être pas laissé une ligne, une seule, pour faire connaître ses dernières volontés. Il était si drôle, monsieur. La même oraison poursuivait l'oncle Ducret jusque sur les lèvres minces de la gouvernante. Maître Auboin, le notaire de Victor Hibert, avait été d'avis de requérir la position des scellés. Il paraissait inquiet, Maître Auboin. C'était un notaire aimable, élégant, frisé, spirituel, montant à cheval au bois, allant de son étude à la salle d'armes, courant les premières, grand affolé de musique, compositeur amateur à ses moments perdus, collectionneur de tableaux, l'œil très fin, le goût très dur, donnant un peu dans l'impressionnisme pour avoir l'air de diriger la mode au lieu de la suivre. Un basochien très moderne, très parisien, très nouveau. Le notariat de la nouvelle école. Il aimait beaucoup Hibert. S'il eût été garçon, il eût été capable de demander la main de Mademoiselle André. Mais bah, il n'était plus jeune. Il s'intéressait à ces braves gens qui lui plaisaient. Mais il avait grand-peur, Maître Auboin, que la fortune ne filât devant Hibert comme une volée de perdreaux hors de portée. Cela eût pourtant si peu coûté à l'oncle Ducret de faire des honnêtes gens heureux, et toujours la sentence finale. Mais avec un type comme ce vieux-là, sur quoi compter? La colère de Ducret devait continuer, évidemment, une colère d'outre-tombe, s'il entendait du Père Lachaise sous le monument. Guidé par Maître Auboin, Victor Hibert confiait la maison à Olivier Giraud qui, très pâle, on l'avait remarqué, avait suivi jusqu'au bout, silencieusement, le convoi de Sylvain Ducret. Victor Hibert, harassé, énervé, passait maintenant ses journées dans l'atmosphère des paperasses remuées rue Comartin et dans le coudoiement des gens de loi, représentant des intérêts divers, avoués ou greffiers aux faces chafouines, le teint empourpré ou cireux, les yeux clignotants, de petites arguties sifflant à tout propos sur leurs lèvres minces. C'était comme la prise de possession d'un logis par des rongeurs. Tour à tour, ils avaient posé sur les meubles et les caisses, comme de longs ténias, les scellés collés avec de la cire d'un rose pâle, décoloré. Puis, les scellés levés, Hibert les voyait aller, venir, ouvrant les tiroirs, dépliant les billets jaunis, les pièces d'or dans le papier où le mort les avait roulés, avec l'air de croupier de roulette comptant le produit de la journée ou de corbeau dépeçant des morceaux de chair. Il y en avait un surtout qui semblait féroce. La face d'un rouge de brique, le sang à la peau, les lèvres minces, avec une barbe mal rasée, faisant sous le nez une ombre semblable à la tache noire d'une poudre de tabac mal essuyée. Maître Auboin l'avait appelé Maître Chaugnard. C'était un avoué, représentant les intérêts de Rodion, intérêts complexes, le financier ayant avec le défunt des affaires compliquées. Tout justement, ce Chaugnard inventoriait et interrogeait la caisse de fer ouverte par un serrurier de feu Ducret, lorsqu'il poussa un cri, un éclat de rire gai comme un cri de goéland. « Ah, par exemple, dit-il, voilà qui n'enrichira pas la succession. » Dans la caisse, parmi les papiers jaunis, les dossiers ficelés, les cartons poudreux, les photographies presque effacées aux dédicaces respectueuses et dévouées de Raymond et d'André, dans une boîte de carton, une dent d'enfant, la dent de lait de quelque petit être aimé, restait là, dans du coton, superstitieusement conservée par ce vieil homme qui n'avait rien, rien aimé. « C'est peut-être la première dent de Mademoiselle André, » dit Maître Auboin à Victor Ribert. Non, Ribert ne se souvenait pas d'avoir jamais donné une telle relique à l'oncle Ducret. Ah, comme il s'en fut moqué, le vieillard! Ce qui étonnait son neveu, c'était que ce septuagénaire au cœur ossifié eût eu même la pensée de conserver la dent de lait de qui que ce fût. « Il y avait peut-être un roman dans la vie du défunt, » dit Maître Chaugnard, dont les yeux luisaient. « Et s'il y a un testament, hé, mais avis que le propriétaire de la dent que voici, s'il vit toujours, pourrait bien en avoir la plus grosse part. » Ce soir-là, Ribert rentra plus tôt que de coutume rue de Châteaudun. C'était la fête d'André. Elle avait tout juste 18 ans. Et depuis des années, ce soir de mai marquerait une intime joie, une chère soirée en famille. La maison s'emplissait de fleurs, et autour de la table, les neveux de l'oncle Ducret portaient gaiement un toast aux deux mariages futurs de Raymonde et d'André, qui s'amusaient de tous ses vœux. Jamais Ducret n'avait assisté à la célébration de cet anniversaire. La date de la naissance d'André lui importait fort peu. Mais Guillemard était là, presque toujours, à moins que quelques gros mouvements sur les valeurs ne l'appelât au dehors. Louis fut revenu du Kamtchatka pour embrasser sa cousine André, et Olivier Jureau, ce jour-là, s'asseyait à la table de famille, et il n'était ni le moins ému, ni le moins fervent à porter la santé de Mademoiselle Ribert. Aujourd'hui, il ne ressemblerait guère aux fêtes d'autrefois, l'anniversaire d'André, non seulement à cause de ce deuil, la mort de l'oncle, mais à cause de ce deuil plus profond, plus tragique, la menace de ruine, le craquement sinistre qui commençait. C'était par une sorte de superstition que Victor n'avait point voulu laisser passer ce jour-là sans inviter, comme par le passé, Louis et Émile. Un simple thé, une causerie. Mais du moins, on pourrait croire que le vent mauvais ne soufflait pas dans le logis. Qui sait? Ribert oublierait peut-être sa préoccupation atroce, la faillite à l'horizon. Il s'était la veille justement décidé à écrire à Molina et à Rodion, leur rappelant cette entrevue macabre auprès de ce mourant qui, tiré au fond du trou par les tibias, spéculait encore et avait à la fois dans la gorge comme des râles d'agonie et des sécheresses de soif d'or. Puisqu'il avait une énergie, une valeur, un nom, il livrait le tout aux associés de l'oncle Ducret, s'ils en voulaient, mais jusqu'à présent, ni Molina ni Rodion n'avaient répondu. Ribert oubliait cela. Il voulait ne penser à rien, ni à ce spectacle sinistre de la maison du mort envahie par la loi, ni à cette autre invasion de sa maison à lui par les syndics, bientôt, s'il ne payait pas. « Allons, allons, ne pensons pas à cela, » se disait-il, « c'est la fête d'André. » Triste fête. Jamais le salon de la rue de Châteaudun ne parut si profondément sombre à Ribert lui-même, qui sentait un froid de glace dans le logis. Geneviève était là pourtant, et André et Olivier, dont le bouquet de fleurs souriait dans un vase au coin de la cheminée. Un bouquet de roses de Ville d'Avray qu'il avait rapporté de là-bas à André comme d'un cher coin de terre où l'on avait été si heureux autrefois. Si heureux. Mais les lampes sous le rabat-jour rose éclairaient mal le salon à demi enseveli dans l'ombre. Par les fenêtres ouvertes, le grondement sourd du dehors montait. On ne causait pas. Geneviève restait dans un fauteuil, le menton sur la main, regardant de l'autre côté de la rue les maisons aux vitres éclairées du haut en bas. Qu'est-ce qui se cachait de bonheur derrière ces rideaux? Ceux-là que ces lampes là-bas éclairaient étaient riches sans doute et s'aimaient. Être aimé, Aimer et être riche, c'était la vie, l'unique existence d'une femme. Elle l'ignorait, cette existence-là. On entendait presque dans le salon que le tic-tac de la pendule, implacable et monotone. Sous les lampes, Olivier dessinait sur un grand album. André, machinalement, brodait la pensée ailleurs. « André, » dit Ribert, que ce silence étreignait à la fin comme une angoisse. Elle releva la tête. « Est-ce que tu ne vas rien nous jouer ce soir en l'honneur de ton anniversaire ? Ma chère André, il y a aujourd'hui 18 ans. Je ne vous aurais pas joué une note, mais ce soir vous aurez du Chopin inédit, découvert par je ne sais quel journal de Varsovie, une valse qu'Olivier a apportée hier à maman. » Elle donnait ce nom à sa belle-mère quand elle ne l'appelait pas Geneviève. « Eh bien, faites carillonner alors !» s'écria Victor en essayant de paraître gai. « Du Chopin inédit. La cousine Raymond ne se plaindra pas. »« Ce sera charmant !» dit Geneviève d'un petit ton lent où il y avait quelques railleries. Elle comparait le salon lugubre où elle se trouvait avec la galerie de tableaux, le hall immense, l'escalier extraordinaire de l'hôtel Guillemard, rue d'Offémont. Et cette idée qu'il y avait dans le délabrement de ce jour de fête, de ce thé bourgeoisement offert comme par de pauvres petits rentiers du marais, autre chose qu'un deuil de famille, qu'il y avait la gêne, cette idée humiliante lui faisait, dans la pénombre, monter le rouge au front comme une insulte. Évidemment, Guillemard ne viendrait pas, et il aurait raison. Un tel homme, brassant les millions, avait un autre emploi à faire de sa soirée que de la perdre à venir boire l'eau sucrée de parents pauvres. « Ah !» dit André en entendant le timbre sonner. « Je parie que voici Raymonde. » Ce n'était pas Raymonde, mais le cousin Louis, toujours riant, qui baisa André au front, serra la main de Ribert, et s'arrêtant devant Geneviève, dont la lampe maintenant éclairait à 2000 profils. « Êtes-vous donc jolie, vous » dit-il. « Oui, là, sous cette lumière, dans l'ombre formée par l'arcade de vos yeux noirs avec des regards. Diantre !» Il en va chercher des modèles d'autre part que chez les Parisiennes. On peint des turqueries, des odalisques, des châtelaines, des marquises Louis XV. Imbécile! Regardez donc ce que vous voyez et peignez-le. Vous savez, cousine, je ne joue pas les Lacoste et je ne fais pas l'article pour lever un portrait. Geneviève lui avait tendu la main avec un plaisir vrai. Il lui plaisait, ce Louis, si gai et bon enfant. Le peintre semblait chercher des yeux quelqu'un. Eh bien, et Guillemard, et Raymonde, comment? Je les quitte, je viens à pied, ils montent en voiture, et j'arrive le premier. Ce sont des préjugés, les chevaux. Voilà, monsieur Guillemard et mademoiselle Raymonde, dit Olivier Giraud, qui s'était mis à la fenêtre. Louis Ribert se demanda même s'il guettait quelqu'un. Peut-être Raymonde, quelle idée. Et la porte s'ouvrant, Guillemard entrait comme un obus, se plaignait de la chaleur, s'épongeait éperdument, et Raymonde sautait au cou d'André en baissant son joli front jusqu'aux lèvres de Geneviève, toujours assise. Presque en même temps, le père et la fille avaient trouvé le moyen de blesser Madame Ribert en s'écriant, l'un « Oh, mais on étouffe ici !» L'autre « Comme il fait sombre ici !» « Est-ce que vous veillez l'oncle Ducret ?» Cette étourdie de cousinette distribuait ensuite des poignées de main, ça et là. « Bonjour, toi !» Et Louise serrait les petits ongles roses. « Ça va bien, Olivier ?» Elle avait jeté cet Olivier sans y penser, tout naturellement, avec un sans-façon qui produisit un singulier effet sur le jeune homme. Il devint assez pâle et affectant une correction absolue. « Je vous remercie, mademoiselle, » dit-il en saluant froidement. « Je me porte bien. » Elle comprit qu'il l'avait blessé. « Oh !» dit-elle railleuse, mais sincère. « Je vous ai froissé, monsieur Giraud. Je ne le ferai plus. » Et elle lui tendit la main. De loin, André les regardait, aussi blanche qu'Olivier sous les bandeaux de ses cheveux blonds. Le gros Guillemard, qui, en passant, avait jeté à Geneviève un compliment fort bien accueilli, attirait maintenant Victor près de la fenêtre et lui disait « J'ai à te parler. »« Il y a du nouveau ?» dit Ribert vivement. « Tu as vu Molina ?»« Il s'agit bien de Molina. C'est de ton monsieur Giraud que je voudrais te dire un mot. Olivier, tu me permets bien de te causer affaire, n'est-ce pas ?» Il restait là, les coudes sur l'appui de la fenêtre, tandis qu'André, allant au piano, jouait la valse de Chopin, une de ces inspirations étranges où le sanglot couplait rire, avec des coups d'aile désespérés vers l'infini. Raymonde s'était assise à côté de Louis, auprès de Geneviève, que cette musique emportait bien loin, au pays du rêve. Et tandis que sa belle-fille jouait, elle regardait, là-bas, la silhouette de ces deux hommes, son mari courbé, les épaules tombantes, l'air timide, pliant d'eux sur la barre d'appui, et Guillemard, debout, la carrure superbe, redressant le front et se tenant droit, les mains dans ses poches. Un vaincu, un triomphateur. Les deux hommes se détachaient d'ailleurs de la fenêtre, tout juste au moment où la valse finissait, à peine perceptible, comme une mélodie qui se perdrait bien loin, au détour d'un chemin. « Dis donc cela, Olivier, tout haut et tout net, » faisait Ribert assez ému. « Tu sauras de suite à quoi t'en tenir. » « Parfaitement juste. » Et Guillemard, traversant le salon, alla droit à Olivier, qui, à demi appuyé sur le piano, causait doucement avec André. « Mon cher Olivier, » dit brusquement le financier, « il faut que je vous dise deux mots, mon ami. À vos ordres, monsieur. » Guillemard parlait très haut, comme s'il n'eût pas été fâché que tout ce salon où l'on faisait silence apprit, comme Olivier Giraud lui-même, ce qu'il avait à dire. « Olivier, mon cher, vous avez dû remarquer, n'est-ce pas, que mes affaires augmentent chaque jour davantage. Affaires de chance, je sais bien. Je ne m'en fais pas croire plus qu'il ne faut. » Il regardait, tout en développant ses pectoraux, Geneviève Ribert, qui écoutait, les yeux brillants. « Actuellement, je négocie les conditions préliminaires d'un emprunt pour deux ou trois petits états de l'Amérique du Sud. Des négritos qui ont des mines d'or, de la poudre d'or, des fleuves où l'on n'a qu'à flanquer des orpailleurs pour avoir de l'or. Et avec ça, pas d'argent. On leur en trouvera de l'argent. Il s'agit de drainer l'épargne. C'est facile. Ce qu'il y a en France dans les vieux bas de laine, c'est étourdissant. Mais pour ce diable d'emprunt, pour cette affaire et pour d'autres, je suis comme tous les gouvernements, moi, et je ressemble aussi à l'agriculture. Je manque d'hommes. Or, je vous connais, mon cher Olivier. Je vous apprécie infiniment. J'ai jeté les yeux sur vous. Ce que vous voudrez gagner, vous l'aurez avec moi. Et ça s'est carré. Diable, fit Louis en riant. Jamais, jamais, jamais amateur de peinture ne m'a fait une pareille proposition. Tais-toi donc, dit Raymonde, qui regardait Olivier Giraud et que la réponse du jeune homme intéressait évidemment. Guillemard continuait, avec sa franchise de gros homme. « Je devais naturellement prévenir votre patron. »« Parfait. Victor m'engage à m'adresser à vous tout de suite, ici même. »« Eh bien, c'est ce que je fais. » Olivier avait regardé Victor Ribert qui, les yeux sur le tapis, ne disait pas un mot. Écoutait et n'osait même pas regarder André, toujours assise au piano, mais retournée vers Olivier, anxieuse, les deux mains croisées entre ses genoux. « N'est-ce pas ?» répéta Guillemard en s'adressant directement à Victor. « Je ne fais cette proposition à M. Giraud qu'avec ton assentiment. » Ribert répondit d'abord par un signe de tête, puis il ajouta « Olivier est libre, il sait qu'il est libre. » Olivier, droit devant la glace, voyait, à la lueur de la lampe, l'image d'André réfléchie, là, et qui, plus confuse, semblait plus anxieuse encore. « Je suis flatté de l'offre de M. Guillemard, » dit-il très simplement, de sa voix mâle, « et, sincèrement, je le remercie. « Demain, monsieur, j'aurai l'honneur de vous écrire. »« Non pas, non pas, » fit Guillemard, « c'est ce soir même, que j'ai besoin de vous regarder comme attaché à ma maison. Je mets les affaires comme ça, moi. Vite et bien, répondez-moi donc ce soir. »« Mais, monsieur, » dit Olivier, « eh bien, monsieur, » répondit nettement le jeune homme, « il m'est impossible d'accepter. » Guillemard parut stupéfait. « Comment ? Songez donc. »« Cela m'est impossible, monsieur. » répéta Olivier de son ton bref. Louis Ribert, qui observait, fut très frappé de la différence d'émotion que produisait ce refus absolu sur les deux cousines. Victor, aussi enchanté que sa fille, essayait de consoler Guillemard, peu habitué à ce qu'on refusât ses offres intéressées. Raymonde s'éventait vivement, un peu nerveuse et piquée. André rayonnait d'une joie mal dissimulée. Allons, décidément, ce monsieur Giraud intéressait les jeunes filles. « Voyons, Émile, tu trouveras un autre commis. Olivier n'est pas le seul. »« Évidemment, » dit le banquier. « Mais je le voyais si bien chez moi. » Il remet à la charge, ne se tenant pas pour battu et donnant plus de rondeur encore à sa bonhomie. « Réfléchissez, Olivier, je vous en prie. Je vous le répète. Vous fixerez vous-même le chiffre de votre traitement. Vous aurez chez moi la vie large et libre. J'offre même une part à déterminer dans les bénéfices. Ah, c'est gentil. En vérité, fit Geneviève, que ce déballage d'argent fait par le financier mordait au cœur d'une âpre envie. Et Ribert, un brave homme plein d'affection pour ce jeune homme, son collaborateur de tous les jours, disait à Olivier, « Voyons, mon cher enfant, savez-vous que voici peut-être le commencement de votre vraie existence ? Réfléchissez, Olivier, réfléchissez. » « Merci, monsieur, » répondit encore le jeune homme. « J'ai eu l'honneur de répondre que je ne pouvais accepter. » Il avait l'air de mal supporter toutes ces insistances, et cette sorte de mise aux enchères de sa personne devant André le blessait presque comme une injure. « Mais enfin, puisque Ribert vous y autorise, pourquoi n'acceptez-vous pas ?» dit Guillemard de sa grosse voix. « Pourquoi donc ?»« Monsieur, » dit Olivier aussi poliment que possible, « je suis absolument ignorant de votre genre d'opération. J'aurais l'air trop novice. Je n'ai pas toutes les aptitudes. » Ah ! Cette fois, Guillemard était suffoqué. Il ne trouvait plus rien à dire. Et Louis, se levant tout à coup, se mit à rire de son ton gouailleur de rapin. « Novice ! Ah, c'est charmant, novice ! Est-ce que vous n'auriez pas d'aptitude pour les affaires de Guillemard ?» Le roi du marché. Pas d'aptitude pour les fins de mois eldoradesques du cousin ? Ah mais non, Olivier, non, ça ne peut pas être ça, ce n'est pas ça. Dites plutôt que vous avez un autre plat sous le feu, d'autres idées. Il y a peut-être encore des situations plus fructueuses. Le croyez-vous, monsieur Louis ? Dit froidement Olivier Giraud en le regardant en face. Le peintre s'arrêta court dans ses plaisanteries. Il y avait, dans ce simple regard d'un honnête garçon, le secret tout entier d'un dévouement sans limite, d'une soif ardente de devoir. Non, dit Louis, je n'en crois pas un mot, et donnez-moi la main. Émile Guillemard commençait à se demander, très sérieusement, si le triste salon du cousin Victor n'était pas une succursale de Charenton. Il était furieux, d'ailleurs, oui, furieux. Il avait compté sur Olivier. Que diable en faisait Victor, puisque les affaires n'allaient pas ? Bah, après tout, Ribert avait raison. Des commis, on n'en manque jamais. Il allait se retirer à ses maussades, lorsque, sur un plateau, la vieille Catherine apporta le thé. « Tiens, » dit Raymond, « Catherine. » Et étourdiment, elle demanda si on n'avait plus Françoise dans la maison. « Oui, la femme de chambre est partie. » Et à l'expression que Geneviève mit dans sa réponse, Guillemard devina chez sa jolie cousine une souffrance encore plus exacerbée qu'auparavant, une blessure qui s'irritait. Et comme il comprenait ça, c'était navrant de voir une femme charmante, ah, adorable, vraiment, mener cette existence niaise et mesquine. Victor ne la comprenait certainement pas, pas plus qu'il ne comprenait son temps, la vie éperonnée et électrique de ce siècle-ci. Et tout en regardant Geneviève, Guillemard s'était approché d'elle, lui disant tout bas, avec sa franchise de parvenu, aux plaisanteries lourdes comme des sacs d'écu, « Vous êtes triste, hein, cousine ? Vous vous ennuyez ici. Irez-vous aux eaux cette année ?» Geneviève ne répondit même pas. « Allez aux eaux. Est-ce que Guillemard était en veine de moquerie ?»« Alors vous allez rester à Paris tout l'été. Eh bien, et Ville-d'Avray ? Qu'est-ce que m'a dit Victor ? Il voudrait vendre Ville-d'Avray ? Je l'achète et je vous l'offre. » Elle ne disait rien, regardant le gros homme avec une expression bizarre. « Je dis des bêtises. » dit Guillemard. Mais alors, très sérieusement, cousine, si vous aviez des fantaisies à vous, ça arrive ça, et que Victor ne les satisfit pas, je vous offre un crédit chez moi. Vous pourrez spéculer, si cela vous plaît. C'est très bien porté. Tout le faubourg joue à la bourse, comme à la roulette. J'ai tout l'armorial de France parmi mes clients. Et même un peu moins, dit Geneviève, qui prenait en riant, pour ne point se fâcher, ce qu'elle appelait les plaisanteries de Guillemard. Il ne plaisantait pas, le cousin Émile. Il savait bien, et depuis longtemps, tout ce qui s'agitait de convoitise dans le cœur de la jeune femme et sous cette jolie tête brune. Il jetait en passant comme une étincelle sur de la poudre cet éclair de tentation. Et si tout flambait et sautait, tant pis pour Victor. Pourquoi n'était-il pas digne de cette exquise créature-là ? Il glissa encore quelques offres d'amitié cordiale à Geneviève, qui semblait ne rien prendre au sérieux. Il chercha encore des yeux ce diable d'Olivier. Où était-il justement, ce monsieur Giraud ? Parti. Il avait tenu à aller finir en bas au bureau une correspondance importante. Toutes les qualités, décidément. Mes commis à moi filent comme des maçons. Oh, recta, pas une minute de grâce quand l'heure sonne, dit Guillemard, qui avait sur le cœur le refus d'Olivier. Il regarda sa montre, trouva d'ailleurs qu'il avait donné assez de temps à l'anniversaire d'André lorsque le timbre extérieur sonna. Une visite, dit Ribert, à cette heure-ci. Il songea à la lettre écrite à Rodillon, à Molina, si c'était eux. Catherine ouvrit la porte, c'était maître Auboin, le notaire.